La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, Homo sapiens devient-il Homo informaticus ? L'ère numérique dans laquelle nous entrons, l'informatisation du monde, l'arrivée du big data, l'intrusion galopante des algorithmes dans nos vies, de cela tout le monde parle, et pour cause. Couplé à l'intelligence artificielle, ces bouleversements ont d'ores et déjà un impact majeur sur les technologies, le travail, les emplois, l'économie, la médecine, les relations interpersonnelles, l'apprentissage, la façon de concevoir notre corps, la vie, la mort. On pressent que ça va barder dans l'existence de nous autres. Mais que va-t-il se passer au juste ? Allons-nous pouvoir nous adapter indéfiniment à ce que nous nous ajoutons ? Qu'allons-nous perdre ? Qu'allons-nous gagner ? Et qui sera l'arbitre des métamorphoses en cours ? Pour discuter de ces questions, j'ai invité Gilles Dovec. Bonjour Gilles Dovec. Bonjour Étienne. Vous êtes chercheur à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. Vous êtes par ailleurs enseignant à l'École Normale Supérieure de Paris-Saclay et vous avez récemment publié aux éditions Le Pommier un livre intitulé « Vivre, aimer, voter en ligne et autres chroniques numériques ». Il s'agit de chroniques mensuelles que vous avez écrites pour le magazine Pour la Science entre 2014 et 2017. C'est bien vrai. Je voulais d'abord vous demander, est-ce que ce genre particulier, la chronique, est-ce qu'il vous convient ? Est-ce que c'est plus facile pour vous d'écrire des chroniques que de rédiger des manuels universitaires ou des traités ? Alors c'est effectivement un style assez différent de l'écriture d'un livre ou de l'écriture d'un manuel, de l'écriture d'un livre de médiation scientifique par exemple. Mais il est relativement bien adapté pour discuter de la révolution informatique parce que comme vous l'avez vous-même dit dans l'introduction, la révolution informatique change notre manière de tout faire, de travailler, d'échanger avec nos proches, de nous soigner, ça change la notion de propriété, ça change la notion de loi. Et donc c'est assez difficile finalement, j'ai essayé de le faire dans d'autres textes, mais c'est assez difficile de structurer toutes ces transformations et si on décide de partir par l'une d'elles ou de commencer par ici, on se dit mais pourquoi je n'ai pas commencé par là, j'aurais pu. Et la chronique avec son style un peu éclaté où chaque mois on est amené à discuter d'un sujet particulier de manière relativement brève et finalement une manière d'approcher cette révolution un petit peu par petites touches. Et on se dit que finalement, elle est assez, c'est une forme assez adaptée pour essayer de parler de tout à la fois. Alors Gilles Dovec, vous parlez d'informatique, et il me semble que ce terme est en désuétude, on parle plutôt de numérique aujourd'hui. Il y a des glissements de sens qui se produisent, on parle plus de programmation mais de codage. Qu'est-ce que c'est que l'informatique et est-ce qu'elle se distingue du numérique ? Moi je crois que non. D'abord, le mot informatique n'est pas en déshérence au niveau mondial. C'est au contraire plutôt un mot qui est en train de conquérir de nouveaux territoires. Pour moi, les mots informatique et numérique sont assez synonymes, mais le fait qu'il y en ait plusieurs et le fait qu'on change est plutôt le symptôme ou le signe d'une immaturité des discours que nous tenons sur cette transformation. Il y a bien sûr des mots qui sont à la mode et puis qui disparaissent. Je sais pas, peut-être quand vous étiez jeune, vous participiez à des surprise parties qui se sont ensuite appelées des surbooms, puis des booms. Et puis apparemment, même ce vocabulaire aujourd'hui est désuet. Mais en revanche, quand on est dans un domaine scientifique... Vous venez de dire mon âge, là. Je crois que je viens même de l'aggraver un tout petit peu. De l'exagérer un tout petit peu. Quoi qu'il en soit, dans un domaine scientifique, en général, ce phénomène de mode sur les mots n'existe pas. Par exemple, le mot triangle, eh bien, ça, il existe depuis l'Antiquité. Et il n'y a pas un moment où on se dit le mot triangle est désuet, donc il faudrait appeler ça un tricoté ou un tripointe. Donc, il y a un mot qui désigne un domaine scientifique et technique qui est le mot informatique et je ne vois pas de raison d'en changer. Alors, on connaît tous des informaticiens. On a tous noté que parfois, ils semblent différents des autres hommes ou aux femmes. Ils sont bizarres. À quoi est-ce qu'on peut reconnaître un informaticien dans un dîner en ville ? Merci de citer le titre d'une de mes chroniques. Et la question que je posais dans cette chronique, c'est celle de la transformation de notre manière de penser que l'informatique apporte. Et comme vous le savez, chaque révolution scientifique ne nous apporte pas uniquement de nouvelles connaissances ou de nouveaux objets techniques, mais ça nous amène aussi une nouvelle manière de penser. Par exemple, la révolution scientifique du XVIIe siècle, celle qui est initiée, disons, par Galilée, même si c'est un peu réducteur de tout ramener à Galilée, nous amène des manières différentes de penser. Juste après Galilée, au XVIIe siècle, Harvey découvre la circulation du sang. Il apporte des arguments pour la circulation du sang qui sont des arguments empiriques, des arguments expérimentaux. Et donc Harvey imagine une expérience dans laquelle on met un garrot à une personne et puis on la blesse et puis on tend le garrot, on serre le garrot, on desserre le garrot et on voit que ça a une influence sur le débit du sang de la plaie. Donc on se dit le sang doit circuler, sinon mettre un garrot ne devrait pas changer le débit. Et les adversaires de Harvey, les détracteurs de Harvey, comme Henri Holland ou Patin à cette époque, disent mais c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on doit penser. Pour se poser, quand on cherche la réponse à la question est-ce que le sang circule, ce qu'il faut faire c'est aller regarder ce qu'ont dit les anciens, donc ce qu'ont dit Galien et Aristote. Et Galien et Aristote disent que le sang ne circule pas, donc le sang ne circule pas. Donc vous voyez que la transformation de la physique et de la médecine qui se passe au XVIIe siècle, c'est pas juste de nouvelles connaissances, c'est une nouvelle manière de penser. C'est l'idée que la vérité n'est pas écrite. C'est l'idée qu'il y a des conditions d'accès à la vérité qui sont l'observation et l'expérience. Et donc ça, c'est la révolution du XVIIe siècle. Dans la révolution que nous sommes en train de vivre, et qui est une révolution qu'on va dire qui est à cheval sur le XXe et le XXIe siècle, parce que je crois qu'il faut insister sur le fait que c'est une révolution qui se passe un peu dans la durée, c'est pas quelque chose qui existe depuis un an ou deux. Il y a de nouvelles manières de penser, et en particulier de nouvelles conceptions de ce que ça veut dire savoir quelque chose. Et donc si je vous pose la question, est-ce que vous savez distinguer un chien d'un chat ? Si je vous montre une photo, vous allez sans doute répondre oui, parce que empiriquement, précisément, si je vous montre des photos, vous allez essayer de... vous allez passer le test avec succès. Vous allez réussir à distinguer malgré mon âge les photos d'un chat. Mais pour un informaticien, cette question est tout à fait différente. Savoir distinguer la photo d'un chien de la photo d'un chat, une image de chien d'une image de chat, et ou alors savoir reconnaître sur une image, sur une radiographie par exemple, qu'il y a un os qui est fracturé ou qu'il y a un os qui n'est pas fracturé, qui est quelque chose d'un peu plus utile. Eh bien, ça veut dire connaître et savoir expliciter, surtout, la méthode qui permet de le faire. C'est-à-dire connaître l'algorithme et savoir l'expliciter dans un langage. Et donc là, on est bien obligé de dire que la plupart d'entre nous ne savons pas distinguer un chat d'un chien. C'est-à-dire, nous ne savons pas comment notre cerveau fait pour distinguer un chat d'un chien. Mais c'est une opération qui nous paraît néanmoins simple. Mais c'est une opération qui nous paraît néanmoins simple. Et donc la différence entre cette performance, cette capacité de distinguer deux images et le fait de savoir expliciter la méthode que nous utilisons, que notre cerveau utilise, est vraiment au centre de ce qu'on appelle la pensée informatique, c'est-à-dire cette manière nouvelle que les informaticiens ont. Reviens à mon dîner en ville, si vous permettez, Gilles Dovec. Quelle est la question qu'il faut poser pour que la réponse de l'informaticien à ce dîner se distingue de celle des autres convives? La question que je propose, et c'est quasiment la même, c'est est-ce que vous savez reconnaître une image qui contient un cercle rouge? Alors à l'époque où j'ai écrit cette chronique, l'exemple était moins fixé sur les chats et les chiens, tel qu'il est aujourd'hui dans les discussions. Mais effectivement, savoir qu'une image contient un cercle rouge, c'est beaucoup plus difficile que de savoir qu'une image contient un pixel rouge. Puisque pour savoir si une image contient un pixel rouge, il suffit de parcourir tous les pixels les uns après les autres. Donc d'un point de vue informatique, c'est simple. D'un point de vue informatique, c'est simple. Et que ça fasse une tâche, c'est compliqué. Exactement. D'accord. Et alors que tous les autres convives diront, évidemment, il suffit de regarder. Voilà. Tous les autres convives, non informaticiens. Alors j'ai une autre question, Gilles Dovec, relative à ma propre expérience. Quand j'étais plus jeune, j'insiste là-dessus, j'ai appris des langages, le Fortran, le COBOL. Or aujourd'hui, il y a une prolifération de langages différents de programmation. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont adaptés à des types de problèmes particuliers, ou est-ce que c'est l'évolution naturelle qui produit cette diversité de langages? Alors, c'est les deux à la fois. Il y a d'abord de nouveaux langages parce que nous progressons. Donc, nous comprenons mieux comment exprimer les algorithmes. Et donc, nous inventons de nouveaux langages qui permettent d'exprimer les algorithmes plus simplement, en faisant moins d'erreurs, d'exprimer des algorithmes plus complexes. Et donc, il y a une histoire des langages de programmation qui nous a donné des langages de plus en plus performants, disons de plus en plus faciles à utiliser. Et il y a une deuxième histoire des langages de programmation où, pour programmer certaines tâches très particulières ou programmer certains ordinateurs très particuliers, nous avons eu besoin d'inventer de nouveaux langages. Donc, l'exemple le plus simple, c'est dans les ordinateurs qui existaient dans notre enfance, et il y avait un seul microprocesseur, c'est-à-dire que l'ordinateur faisait un seul calcul à la fois. Aujourd'hui, tous les ordinateurs sont des ordinateurs parallèles, c'est-à-dire à l'intérieur de l'ordinateur, il y a plusieurs petits ordinateurs qui coopèrent. Et donc, programmer un ordinateur parallèle a amené à avoir des langages parallèles. On pense de la même manière que dans quelques temps, alors c'est très difficile de faire des prédictions, surtout en ce qui concerne le futur, dans quelques temps, si nous avons des ordinateurs quantiques, nous aurons besoin de langages de programmation spécifiques pour les ordinateurs quantiques. Donc ça, c'est une deuxième raison pour laquelle il y a une prolifération de langages. Et puis, il y en a une troisième, c'est que la création de langages est une activité humaine. Et donc, elle n'obéit pas uniquement à des critères de rationalité. Et donc, il y a des gens qui ont des goûts différents. Il y a des gens qui ne sont pas contents des langages qui existent et qui inventent des langages et qui sont pas forcément très différents, mais qui ont des petites différences avec les langages précédents. Il y a aussi des gens qui, des communautés qui se structurent autour de langages. Et donc, est-ce il y a que ça ne complique pas l'enseignement de l'informatique? Il faut choisir des langages. On peut pas tous les maîtriser. Alors, ça, c'est sûr. Mais ça ne complique pas vraiment l'enseignement de l'informatique, au sens où l'enseignement de l'informatique ne vise pas à enseigner des langages. Ça vise à enseigner ce qu'est un langage. Ça vise à enseigner un certain nombre de propriétés ou un certain nombre de traits des langages. Mais le langage que l'on choisit pour enseigner est relativement annexe. C'est-à-dire, j'avais un étudiant une fois qui m'a expliqué pourquoi il n'avait pas choisi mon cours de programmation. Mais c'était quand même un étudiant. C'était quand même un étudiant. Donc il m'a dit, voilà, mon père a suivi un cours de programmation quand il était lui-même étudiant. Et on lui a appris, je ne sais plus quel langage, Fortran et Cobol, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, ce sont des langages qui sont beaucoup moins utilisés. Donc, l'enseignement qu'il a suivi n'a servi à rien. Et je lui ai dit, si vous suivez mon cours, je ne vais pas vous enseigner ni Java, ni Python. Je vais vous apprendre à programmer. Et les connaissances que vous allez acquérir dans mon cours, elles pourront être utilisées dans tout un tas de langages. Parce que comprendre ce qu'est une boucle, comprendre ce qu'est un test, comprendre ce qu'est un appel de fonction, comprendre ce qu'est la récursivité, comprendre ce qu'est la location dynamique, etc. Ce sont des notions qu'on retrouve d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs, mais pas exactement à l'identique. Donc vous apprenez à apprendre un langage. On apprend à apprendre un langage, exactement. C'est ça l'objectif d'un cours de programmation. Et c'est ça l'objectif d'un cours de programmation, qu'on le fasse à la maternelle ou qu'on le fasse à l'université. C'est-à-dire, il n'y a jamais de cours de programmation dont le but, ça soit de devenir expert en un langage particulier. D'accord. Alors, nous sommes en période de rentrée scolaire et universitaire, donc on pourrait parler un peu d'enseignement. Et comme chacun sait, se développe massivement aujourd'hui ce qu'on appelle l'enseignement en ligne, notamment par le biais de ce qu'on appelle aussi des MOOC, pour Massive Open Online Courses, c'est ça ? Exactement. Et vous citez le philosophe Pascal Engel qui, en 2013, a dit que ces cours en ligne sont des armes de destruction massive du savoir et de l'université. Donc si j'organisais un débat entre lui et vous, ça donnerait quoi ? Je pense que nous serions en désaccord sur certains points, et c'est des points que nous avons d'ailleurs débattus par chronique interposée, puisque il avait écrit cet article, je lui ai répondu dans la première chronique du livre en 2014, et puis ensuite il m'a répondu dans un autre article qu'il a lui-même écrit. Votre chronique s'intitule l'enseignement en ligne et la bombe démographique. Voilà. Donc ce que j'essayais de défendre dans cette chronique. D'abord, dans un débat, ce qui est important, c'est de savoir sur quoi on est en désaccord. Et déjà, si on est d'accord sur l'objet de notre désaccord, le débat a progressé. Et donc, entre les adversaires et les partisans des MOOC, il y a deux arguments qui s'opposent. Il y a, disons, les adversaires des MOOC qui pensent que faire un cours en ligne, suivre un cours en ligne, c'est-à-dire suivre un cours dans lequel on ne rencontre jamais l'enseignant, on a juste des vidéos de l'enseignant, on lui envoie des devoirs par mail. En général, ces devoirs sont corrigés automatiquement par des algorithmes. C'est un enseignement qui est de moins bonne qualité que un enseignement présentiel. Et c'est un point sur lequel tout le monde est à peu près d'accord. C'est-à-dire, il vaut mieux suivre les cours d'Étienne Klein que voir une vidéo d'Étienne Klein. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. La présence d'Étienne Klein dans la salle est absolument irremplaçable. On va peut-être couper ça en montage. Hein. On verra. Alors, cela dit, nous avons aujourd'hui besoin de former non pas 1% de l'humanité ou non pas 10% de l'humanité, de partager les connaissances avec un tout petit nombre de gens, et notre système universitaire et même notre système scolaire a été principalement pensé comme un enseignement d'élite, c'est-à-dire un enseignement qui s'adresse à une toute petite partie de la population. Et aujourd'hui, nous voyons arriver dans les universités des hordes d'étudiants qui sont avides de savoir. Et ces hordes d'étudiants, nous les voyons bien sûr à Paris, mais nous les voyons dans toutes les villes du monde. Et il y a des continents dans lesquels trouver suffisamment d'enseignants pour répondre à cette explosion de demandes de savoir est difficile. Et donc les partisans des MOOC, parmi lesquels je me compte, nous insistons plutôt sur cet aspect, qui est qu'il y a besoin de beaucoup de connaissances, il y a un grand appétit de connaissances. Votre argument est pratique d'ordre pratique. Il est tout à fait d'ordre pratique, et quand on peut faire un cours pour 100 000 étudiants, comme c'est le cas de certains MOOC, ou même pour 5 000 étudiants, comme c'est le cas de beaucoup de MOOC, eh bien, on contribue, quand on fait un tel cours, on contribue à la diffusion des connaissances d'une manière tout à fait incomparable en termes d'échelle avec le fait de faire un cours en présentiel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les cours en présentiel, mais ça veut dire que les MOOC apportent un complément aux cours en présentiel et qui nous permettent de toucher beaucoup, beaucoup plus de gens. Mais ça change la façon pour les étudiants de suivre un cours, évidemment, mais aussi pour les professeurs de faire cours. Bien entendu. Il faut s'adapter. Est-ce que on peut faire un bon cours sans voir l'effet produit sur les étudiants présents? Eh bien, d'un certain point de vue, c'est ce que nous faisons depuis 5000 ans quand nous écrivons des livres. C'est-à-dire, nous écrivons un livre, nous ne voyons pas le lecteur. Souvent, le lecteur va utiliser le livre pour faire autre chose que le projet que nous avions. Et nous avons un assez faible retour de nos lecteurs. Des fois, nous croisons un lecteur au salon du livre et nous apercevons qu'il a... Ou bien complètement, c'est complètement le lecteur que nous avions imaginé au moment où nous écrivions le livre, ou bien pas du tout. Et effectivement, c'est une limitation de l'interaction. C'est une interaction un peu à sens unique. Mais cela dit, toujours sur les MOOC, l'idée n'est pas de supprimer l'enseignement en présentiel. Mais par exemple, il y a tout un tas de connaissances que nous-mêmes nous avons pris l'habitude d'acquérir dans des livres. Sur le web, par exemple, en lisant, il y a une partie non négligeable maintenant de mes connaissances qui vient de Wikipédia. Donc, sur tout un tas de sujets pour lesquels j'ai un goût ou une recherche de connaissances, mais qui n'est pas une recherche de connaissances très approfondie. Voilà, par exemple, je m'intéresse au cunéiforme, eh bien, je m'intéresse un peu. J'ai pas l'intention de devenir assyriologue moi-même. Et donc, ce type de connaissances, si j'ai des vidéos en ligne, ou si j'ai des MOOC, ou si j'ai simplement une page dans Wikipédia qui m'explique un peu quels sont les principes d'organisation de ce système d'écriture, c'est quelque chose qui m'intéresse, et il est assez peu probable que j'aille un jour suivre un master d'assyriologie d'un bout à l'autre en passant les examens, etc. Parce que c'est pas tellement mon projet d'étude. En revanche, le fait d'être tout le temps au contact comme ça d'un petit peu de connaissances, c'est une nouveauté que nous offre cette révolution informatique et qui est tout à fait à valoriser. Il y a une de vos chroniques, Gilles Devecq, qui concerne les interactions sociales. Est-ce que vous pensez qu'on comprend mieux aujourd'hui grâce aux ordinateurs et aux traces comportementales que chacun d'entre nous y laisse, les interactions sociales? Ou est-ce qu'il y a un biais qui nous trompe sur la façon dont les gens interagissent? Je pense que les deux sont vrais. Il y a un problème dans les sciences humaines, c'est que obtenir des informations, faire des mesures, faire des observations, faire des expériences est très coûteux. Par exemple, les ethnographes partaient 2 ans de leur vie pour observer une ethnie qui vivait dans un coin reculé de l'Amazonie. Donc c'était un protocole d'observation qui demandait un engagement assez important aux chercheurs. De la même manière, des sociologues souvent font de leurs travaux sur des entretiens, des interviews. Et bien entendu, un sociologue peut pas faire 1 million, 1 milliard d'interviews. Il est obligé de faire quelques dizaines d'interviews et puis de se fonder sur ce petit échantillon d'informations qu'il a réussi à collecter pour ensuite essayer d'élaborer une théorie comme on le fait dans toutes les sciences. Et avec les traces que nous laissons sur le web ou dans les différents services en ligne que nous utilisons, nous avons un moyen de collecter beaucoup d'informations sur les comportements humains. Et par exemple, un sujet qui est notoirement difficile à étudier, ce sont un type d'interaction sociale qu'on appelle la séduction. Donc vous pouvez difficilement demander à une personne d'en séduire une autre en ayant des caméras et des projecteurs braqués sur ces deux personnes. On peut penser que le fait d'être enregistré les perturbe un tout petit peu dans leur processus de séduction. En revanche, avec la prolifération des sites de rencontres en ligne, si nous avons accès à ces données, nous avons une base statistique beaucoup plus grande pour étudier ce processus de séduction qui est finalement assez important si nous cherchons à comprendre ce qu'est l'humanité et ce que sont les interactions sociales. Alors cela dit, il y a bien sûr deux limitations à ça. La première, c'est une limitation de nature éthique, c'est-à-dire il y a des gens qui se sont connectés sur un site de rencontre et c'était pas dans le but de devenir les cobayes des sciences sociales. Donc il est important qu'il y ait une garantie d'anonymisation des données, etc., qui est un problème complexe. Anonymiser des données, c'est un problème complexe. Il suffit pas de supprimer le nom des gens. Par exemple, si je vous parle d'un compositeur qui s'appelle Wolfgang Amadeus, mais je ne vais pas vous dire son nom, je vais juste vous dire qu'il a composé Così fan tutte, la flûte enchantée, il est probable que vous arriviez à désanonymiser. Je crois que j'ai le bon algorithme. Voilà, donc il suffit pas de supprimer le nom des gens, c'est quelque chose de compliqué. Mais voilà, donc il y a cette limite éthique. Et puis il y a une deuxième question qui est, est-ce que ce que nous observons est un bon échantillon des interactions sociales, ou est-ce que le fait que ces interactions sociales se fassent en ligne perturbe ou induit un biais? Et on peut changer d'exemple, et ce qui va nous ramener au MOOC. Quand on enseigne une notion, en général, on donne des exercices aux étudiants, et on ne sait pas très bien si ces exercices sont utiles ou pas utiles. Bon, des fois, on donne 2 exercices, mais on ne sait pas lequel des deux va faire progresser les étudiants. Et si on veut faire des mesures, c'est très compliqué. Il faut prendre un groupe test, et les étudiants, là, sont aussi pris comme des cobayes. Alors que si on observe le progrès des étudiants, par exemple, dans un cours en ligne, eh bien, on peut assez facilement voir que si un certain nombre d'étudiants on fait l'exercice 1 mais pas l'exercice 2 et d'autres l'exercice 2 mais pas l'exercice 1, il y en a qui ont mieux compris les notions, qui réussissent mieux les examens ensuite, etc. Donc ça nous amène par exemple à mieux comprendre les processus d'apprentissage en analysant les données recueillies sur les cours en ligne. Mais à nouveau se pose la question, est-ce que les étudiants qui suivent des cours en ligne sont des étudiants normaux? Est-ce qu'ils sont représentatifs de l'ensemble des étudiants? Est-ce que le fait qu'ils suivent ce cours en ligne change ou non leur rythme de progression, etc. Donc la question de savoir si ce choix de méthode d'observation induit un biais ou pas dans la collecte des données, c'est une question à laquelle, à nouveau, nous n'avons pas de réponse définitive. La Méduse dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est bien Mozart? Je ne sais pas. En tout cas, ça me donne envie d'écouter un peu de musique. Gilles Dovec, c'est un morceau que vous avez choisi. Quel est-il? Alors c'est un morceau qui s'appelle, un petit morceau d'une œuvre qui s'appelle 5 études de bruit de Pierre Schaeffer. Et Pierre Schaeffer est plus ou moins un précurseur de la révolution informatique parce qu'il s'est posé une bonne question au moment de l'invention du magnétophone. Donc le magnétophone a en gros été inventé au milieu du XXe siècle. Et Pierre Schaeffer, qui était compositeur, s'est posé cette question. La plupart de ses contemporains ont regardé le magnétophone comme simplement une manière de diffuser des œuvres classiques, disons, des œuvres déjà écrites, vers un plus grand nombre de personnes. Voilà, donc au lieu d'avoir la flûte enchantée qui est vue par 1000 personnes à l'Opéra de Paris... Un MOOC pour la musique. C'est un MOOC pour la musique. Vous avez cette possibilité d'avoir 1 million de personnes qui écoutent la flûte enchantée. Et ça change pas mal la manière dont nous écoutons un opéra, puisque si vous n'écoutez un opéra que en live, enfin disons sur scène, bien vraisemblablement vous allez entendre la flûte enchantée une fois dans votre vie, ou peut-être deux. Alors que vous avez avec un magnétophone la possibilité d'écouter cette œuvre 1000 fois, vous avez la possibilité que des millions de personnes l'écoutent. Donc ça change beaucoup le rapport à l'œuvre d'art. Mais cependant, Pierre Schaeffer se fait la réflexion que l'œuvre de Mozart n'a pas été écrite pour être enregistrée et que le magnétophone n'a pas transformé la manière dont Mozart écrivait la musique. Et la question que se pose Pierre Schaeffer, c'est plutôt de se dire, voilà, j'ai un nouvel objet technique, qui est le magnétophone, en quoi est-ce qu'il me permet de composer des œuvres radicalement différentes de ce que Mozart ou Haydn composaient. Et pour ça, il prend son magnétophone et il va enregistrer des bruits, et donc l'œuvre qu'on a entendue, il a enregistré des trains, comme vous l'aviez, tout un tas de bruits, de sifflets, etc., qui sont difficiles à mettre sur scène à l'opéra, qui sont même difficiles à écrire dans une partition. Et en montant ces différents bruits, il arrive à une œuvre musicale qui est complètement différente des œuvres que Mozart ou Haydn auraient pu composer. Après, on peut se poser la question, est-ce que c'est de la musique, encore de la musique ? On peut se poser aussi la question, est-ce que j'ai envie d'écouter ce type de musique au petit déjeuner, ou est-ce que finalement Mozart est plus adapté au petit déjeuner ? C'est vrai que ce sont pas des œuvres qu'on écoute en boucle, en général on les écoute, on se dit c'est intéressant, ça nous amène à réfléchir à ce qu'est la musique, etc. Mais c'est pas des œuvres qui sont toujours agréables à écouter, même si notre oreille évolue, bien entendu, avec le temps, il y a certaines harmonies que nous commençons à percevoir dans l'œuvre de Schaeffer. Mais c'est vraiment un rapport à l'objet technique qui préfigure tout à fait ce qu'a été la révolution informatique ensuite, où on ne se dit pas, voilà, j'ai un objet technique qui me permet de faire ce que je faisais avant, mais en mieux. Mais on se dit, j'ai un objet technique qui va me permettre de faire des choses radicalement nouvelles. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est un peu la même histoire qu'avec le cinéma. On commence par filmer le théâtre. Exactement. Et ensuite, on invente le cinéma proprement dit. Exactement. Donc j'aurais pu prendre cet autre exemple. Le cinéma a commencé à être du cinéma quand ça a cessé d'être du théâtre filmé. Et on peut dire que la musique a commencé à utiliser le magnétophone comme un véritable instrument de musique le jour où on a utilisé le magnétophone comme instrument et non pas pour enregistrer des violons ou des violoncelles. Alors Gilles Devecq, plusieurs de vos chroniques dans ce livre qui s'intitule « Vivre, aimer, voter en ligne » sont consacrés à l'enseignement de l'informatique, dont vous êtes un fervent militant. Qu'est-ce qui se serait passé si les hôteliers avaient été formés à l'informatique? Est-ce que ça aurait changé leur propre histoire? Ben alors, ça nous ne le saurons jamais, puisque en histoire, le fait de faire des hypothèses... On a le droit de faire de l'histoire contrefactuelle. Voilà, l'histoire contrefactuelle, c'est compliqué. Ce qui m'avait toujours surpris dans le discours des hôteliers, c'était que quand les sites de réservation de chambres d'hôtel en ligne sont arrivés, par exemple le site Booking, c'est difficile de ne pas le citer, les hôteliers se sont un peu révoltés contre cette manière de faire du commerce, qui, pour des raisons qui sont assez naturelles, puisque ces sites prennent des commissions d'une manière tout à fait extravagante. Donc aujourd'hui, alors je n'ai pas vérifié les chiffres exactement, mais si vous réservez une chambre d'hôtel, à peu près un tiers du prix que vous payez va au site de réservation et deux tiers va à l'hôtelier. Donc bien entendu, les hôteliers sont pas contents contre ça, de cette situation. Mais je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'un groupe hôtelier comme le groupe Accor, par exemple, qui est un groupe extrêmement puissant, qui est un groupe qui peut payer des ingénieurs à réfléchir toute la journée, etc. C'est pas juste un petit hôtel en face de la gare dans une sous-préfecture, c'est vraiment une structure qui a une possibilité de réfléchir. Comment est-ce que ce groupe n'a pas inventé Booking? Pourquoi est-ce que c'est d'autres gens qui ont inventé les sites de réservation en ligne, alors que les hôteliers auraient pu, dès le départ, comprendre que l'essentiel de leur métier, c'est d'échanger de l'information avec leurs clients, c'est-à-dire de faire savoir qu'ils ont un hôtel. C'est pour ça qu'ils mettent en général une enseigne un peu agressive, de prendre des réservations au téléphone. C'est pour ça qu'ils ont un réceptionniste qui répond au téléphone pour prendre les réservations. Et donc les manières d'échanger de l'information étaient complètement en train de se transformer. Et donc les hôteliers auraient dû assez naturellement se dire mon métier, c'est d'échanger de l'information. Il y a de nouvelles manières de le faire. Il faut que je comprenne en quoi ces manières de le faire vont changer mon métier. Si c'était posé cette question, ils auraient inventé par eux-mêmes les sites de réservation en ligne. Et une des explications de la raison pour laquelle ils ne l'ont pas faite, c'était précisément ce déficit d'enseignement de l'informatique. On ne leur a pas appris à penser dans ce cadre-là. Ça nous ramène à comment distinguer un informaticien dans un dîner en ville. On n'invite pas assez les informaticiens dans les dîners en ville, en fait. On n'invite pas assez les informaticiens dans les dîners en ville, et les hôteliers ne se forment pas suffisamment à ces nouvelles manières de penser. Et après, c'est eux qui en payent le prix, puisque aujourd'hui, ils sont dans une situation assez peu enviable, il faut bien le reconnaître. Alors ça me fait penser à Schumpeter, ce que vous dites, qui a écrit en 1911 sa théorie du développement économique, dans lequel il explique que l'innovation permet au capitalisme de se renouveler. Elle agit comme une destruction créatrice de valeur. Il attend, dit-il, des innovations qu'elles ruinent les situations de rente afin que d'autres entrepreneurs puissent émerger. Est-ce que cette façon de concevoir l'économie s'applique à l'industrie informatique, où il y a quand même des monopoles très puissants, oui, qui semblent très difficiles à détrôner? Alors, il y a deux différences. D'abord, Schumpeter, les dates sont celles que vous avez citées, ne l'a pas écrit en pensant à la révolution informatique. Et il y a un débat parmi les informaticiens de savoir si la révolution informatique est schumpeterienne ou non. Et moi, je pense plutôt que non. C'est-à-dire, dans la vision de Schumpeter, chaque emploi détruit crée un autre emploi. Et donc, par exemple, on cite le cas, par exemple, des caisses dans les supermarchés. Donc aujourd'hui, il y a 200 000 personnes qui travaillent à la caisse dans un supermarché. Donc on va appeler ça des caissières parce que 99% sont des femmes. Et on dit, voilà, ces métiers vont disparaître. Avant elles, les disquaires ont disparu. Les disquaires, voilà, on peut prendre un million d'exemples. Mais si on reste sur l'exemple des caissières, on dit, voilà, il y a 200 000 personnes qui vont perdre leur emploi à la caisse des supermarchés. Mais c'est pas grave parce qu'on crée d'autres emplois. On crée, par exemple, des emplois de fabricants de caisses automatiques. Ou le fait de faire diminuer les coûts des supermarchés va faire baisser les prix des produits dans les supermarchés. Les gens vont être plus riches et ils vont aller vers d'autres marchés. Ça, je crois que c'était vrai à l'époque où Schumpeter l'écrivait, mais que c'est plus du tout vrai à notre époque, au sens où on va supprimer 200 000 emplois dans les supermarchés et on va créer peut-être 1000 emplois ou 2000 emplois d'informaticiens pour inventer, innover dans la technologie des caisses automatiques. Donc je ne crois pas qu'il y ait une possibilité de renouvellement de l'économie par la destruction. Je crois qu'au contraire que les personnes qui sont à la caisse des supermarchés aujourd'hui vont perdre leur emploi et vont devenir définitivement oisives. Et donc, contrairement à Schumpeter qui disait maintenant on va leur trouver un autre emploi, j'ai plutôt tendance à imaginer, mais bien sûr c'est des hypothèses, que ces personnes vont rester oisives, ce qui nous amène à poser la question en quoi c'est mal ? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes sur Terre dans le but de travailler ? Est-ce que le travail est une valeur ? Est-ce que, comme on l'entend parfois, nous gagnons notre dignité en travaillant ? Ou est-ce que nous pouvons imaginer une société où le travail, ou bien aurait disparu, mais disons c'est un peu caricatural, mais où le travail jouerait un rôle beaucoup moins important ? Et en fait, les économistes nous disent que si on regarde vers le passé, il y a eu, à certaines époques, des sociétés où le travail était beaucoup moins central que dans notre société contemporaine, et donc que nous pourrions retourner vers des modes d'organisation sociale où le travail ne jouerait pas ce rôle complètement central qu'il joue dans notre monde. Il y aurait une dissociation entre le revenu et le travail ? Alors ça demande, bien entendu, qu'il y ait une dissociation entre le revenu et le travail, puisque finalement... je peux pas parler à leur place, mais j'ai l'impression que ce qui inquiète les caissières quand elles perdent leur emploi, c'est beaucoup plus le fait qu'elles perdent leurs revenus que le fait de perdre une activité. Je crois que personne ne souhaite que être soi-même caissière au supermarché ou que ses enfants deviennent caissiers au supermarché. Je crois que tout le monde trouve que c'est un métier horrible. D'ailleurs, c'est un métier qui induit des troubles musculo-squelettiques, etc. Mais effectivement, la question se pose de est-ce que ces personnes, on va juste les laisser mourir de faim. Je pense que ça serait une mauvaise idée, ça serait une mauvaise compréhension de ce qu'est la révolution informatique qui nous libère du travail. Ou est-ce que on va dire voilà, ces personnes sont oisives ou s'occupent de leur famille ou voyagent ou font d'autres choses de leur vie ou travaillent dans des s'occupent dans des associations, dans des organisations non gouvernementales, etc. Mais il faut penser à leur donner un revenu. Et c'est pas un revenu minimal, c'est pas quelque chose comme le RSA auquel il faut penser, c'est un revenu qui leur permet de bien vivre. Et donc un des impacts de la révolution informatique, c'est que ce lien qui nous semblait indissociable entre le travail et le revenu, finalement nous devons le réinterroger, nous devons nous demander si... Ça veut dire que cette évolution technique pose des questions politiques, économiques qui sont fondamentales. Est-ce que vous avez l'impression qu'elles sont traitées à leur juste hauteur ? Alors oui et non. Bien entendu, la première réponse, c'est non. C'est-à-dire, quand nous discutons, par exemple, de ces questions de revenus universels avec des députés, des sénateurs, des élus, plus généralement, nous les trouvons en général assez frileux. Et nous avons l'impression qu'ils n'ont pas pris la véritable dimension de la transformation du monde. Et donc, ils essayent, mais bon, ce qui est un processus humain assez naturel, ils essayent de penser la situation nouvelle avec les outils de pensée et les outils de pensée anciens. Alors, cela dit, si nous mettons à part ce point particulier, qui est le débat que nous avons avec le personnel politique professionnel, si vous voulez, nous pouvons quand même voir que la société dans son ensemble évolue assez vite. Par exemple, aujourd'hui en France, nous sommes 66 millions et si nous comptons les oisifs, il y en a 42 millions. Et les actifs, la population active occupée, est de l'ordre de 24 millions. Donc nous avons quand même réussi à construire une société où quasiment 2 personnes sur 3 ne travaillent pas. Alors quand je dis ça, les gens se demandent un peu où se cachent ces personnes, donc on peut un peu regarder ça. Il y a par exemple 12 millions de gens qui ont moins de 16 ans. Alors bien sûr, tout le monde va vous dire, vous voulez quand même pas envoyer les enfants à l'usine. Mais en fait, l'idée qu'on n'envoie pas les enfants à l'usine ou qu'on les envoie pas au champ est une idée relativement récente. L'idée qu'il y ait un temps dans la vie où on soit improductif et un temps relativement long de toute l'enfance, l'adolescence et maintenant quasiment la première partie de l'âge adulte est une idée relativement récente. Alors, il y a 12 millions de retraités. Et là, à chaque fois que je fais une intervention, il y a toujours un retraité dans la salle qui me dit « Mais enfin, j'ai travaillé toute ma vie, c'est bien normal que j'ai le droit à un peu de repos. » Je dis « Mais c'est précisément ce que je suis en train de vous expliquer. Il est tout à fait normal qu'en ayant un peu travaillé dans votre vie, parce que vous n'avez pas travaillé tant que ça, vous soyez à une phase de votre vie où vous ne travaillez plus. Et ce qu'on propose juste est de généraliser ça à d'autres gens. » Et puis il y a finalement un nombre non négligeable de gens qui ont entre 16 ans et 65 ans et qui ne travaillent pas. Donc il y a en particulier tous les étudiants qui ont plus que 16 ans et bon, qui continuent à ne pas travailler. Et puis il y a aussi des gens qui ont décidé de faire d'autres choix dans la vie, de s'occuper de leur famille. Et voilà. Et donc quand on met tous ces gens bout à bout, on s'aperçoit que la société d'oisifs qui nous paraissait utopique il y a 5 minutes, finalement, elle n'est pas si loin. Et souvent, il y a aussi des écoliers dans la salle qui me disent « Mais c'est faux, je ne travaille pas, je vais à l'école ». Et donc, il faut leur rappeler l'étymologie du mot école. Le scoler, c'est le loisir. Donc, l'école, c'est là où on va pour s'amuser. Et puis après, il y a des profs qui me disent, mais moi, je vais à une école, mais c'est pas pour m'amuser, c'est parce que je suis prof. Je leur dis, au contraire, c'est une joie de partager des connaissances. Et donc, finalement, mais qui travaille dans ce monde? On ne sait plus. Ça devient en effet très compliqué de définir le travail. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Bon, je voulais vous interroger, Gilles Devec, également sur le zapping, dont on dit beaucoup de mal en général, au motif que, notamment grâce au web, se répand et s'impose même une sorte de polyphonie de l'insignifiance, en plus des fake news et de tout ce dont on parle par ailleurs. Mais vous dites que ce mode de connaissance se rapproche de celui du chercheur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et vous parlez de zappage plutôt que de zapping. C'est quoi ce zappage? C'est le zapping. Mais pourquoi vous l'appelez zappage? Eh bien, parce que en français, on forme un nom commun à partir d'un verbe en rajoutant âge. Ouais, mais zapper, ça existe en français avec le Z? J'imagine. Bon, alors partons, oui, pour, partons pour le zappage. De temps en temps, j'ai un peu cherché à innover et à remplacer des anglicismes, ouais, par les... Je ne suis pas sûr que ce soit une innovation destructrice, pour le coup. Bon, voilà, mais si vous voulez, vous pouvez lire la chronique en remplaçant le mot zappage par zapping, je ne vais pas m'en offenser. Pour l'émission, on va garder zappage. En quoi le travail du chercheur relève-t-il du zappage? Donc, je me suis intéressé un tout petit peu dans cette chronique à la structure des connaissances, de vos connaissances, de mes connaissances et des connaissances, par exemple, des écoliers. Et il me semblait qu'il y avait un paradoxe dans ce que savent les lycéens, par exemple, c'est que nous leur apprenons à résoudre des équations du second degré, et ils deviennent assez experts, disons, c'est un savoir qu'ils acquièrent relativement en profondeur. En particulier, ils savent ce qu'est une équation, ils savent comment la résoudre, si on leur propose une nouvelle équation, ils savent la résoudre, etc. Donc ça, c'est une connaissance qui est menée jusqu'au bout, on a une compétence opérationnelle, on sait utiliser ces connaissances dans un cas précis. Mais à l'inverse, ils ne savent pas, la plupart, ils ne savent pas, on leur apprend pas en tout cas, qu'il existe une méthode similaire pour les équations du troisième degré qui s'appelle la méthode de Cardan. Et en revanche, vous et moi, nous savons que la méthode de Cardan existe, mais en tout cas pour moi, s'il fallait que je l'utilise tout de suite, je saurais pas le faire. Donc, à côté de ma connaissance très structurée sur les équations du second degré, j'ai une espèce de connaissance un petit peu vague sur les équations du troisième degré, dont je sais qu'il existe une méthode pour les résoudre. Je sais à peu près où la trouver, cette méthode. Je sais que si je vais chercher un bouquin d'algèbre à la bibliothèque, je vais trouver ça. Que si je regarde dans Wikipédia, vraisemblablement, ça doit être décrit, la méthode de Cardan. Mais comme j'en ai pas besoin tous les jours, c'est pas une connaissance que j'ai approfondie. Et je me suis dit, il y a vraiment une différence entre les connaissances qu'on donne aux écoliers, ou bien on approfondit des connaissances, ou bien on leur donne pas du tout cette connaissance. Et puis la structure de la connaissance des chercheurs, qui est formée de beaucoup de ces connaissances un peu vagues, un peu allusives. Vous voulez dire que les chercheurs pratiquent beaucoup la vulgarisation, comme récepteurs? Comme récepteur, oui. Par exemple, quand vous discutez avec un autre chercheur, il vous raconte ce qu'il fait, ça a l'air intéressant, mais vous n'êtes pas vous-même capable de prendre sa place. Mais vous avez une vague idée que ce qu'il fait existe. Et puis moi, il y a plein de trucs que je connais un peu, comme ça, comme la relativité générale. Voilà, je sais expliquer que ça explique l'avance du périhélie de Mercure, mais il faudrait que je recalcule là tout de suite l'avance du périhélie de Mercure, j'aurais un peu de mal. Enfin, j'ai un peu oublié les équations. Vous voyez. Donc ma connaissance est faite, bien sûr, de connaissances structurées que j'utilise tous les jours dans mon travail, mais aussi de tout un tas de connaissances que j'ai acquises en lisant vos livres ou en... C'est-à-dire que le zapping ou le zappage, c'est une forme de vulgarisation diffuse? Oui, on peut dire ça. Avec laquelle on est en contact permanent, et surtout c'est cette espèce de marais où il y a des idées un peu mal structurées qui évoluent, qui se cognent les unes aux autres. C'est essentiel dans la vie intellectuelle d'un chercheur, c'est-à-dire c'est par exemple là-dessus que nous sommes capables ensuite de construire des connaissances structurées. Ça s'oppose à l'image du chercheur au contraire très concentré, presque, oui, monomaniaque. Oui, je pense que cette image est fausse, enfin au moins partiellement fausse, c'est-à-dire nous sommes très concentrés et très monomaniaques sur un petit nombre de sujets sur lesquels nous sommes performants, sur lesquels nous produisons de la connaissance, mais notre connaissance scientifique est aussi faite d'énormément de zappages. Est-ce qu'il n'y a pas une qualité de l'attention qui se perd dans l'opération quand même? Sans doute, et peut-être notre rôle d'enseignant, c'est aussi de partir de ces connaissances un peu diffuses, un peu disparates, et pour amener les étudiants à les structurer. C'est bien entendu une partie de notre mission. Mais il faut pas avoir trop de mépris pour cette forme de connaissances inabouties, parce que finalement, nous sommes contraints de reconnaître que beaucoup de nos propres connaissances sont inabouties. Je vous parlais par exemple du sumérien et des cunéiformes tout à l'heure. Je me pique d'avoir lu l'épopée de Gilgamesh, mais j'ai pas lu l'épopée de Gilgamesh en sumérien. C'est-à-dire, apprendre le cunéiforme pour lire l'épopée de Gilgamesh, ce qui serait la bonne manière de le lire, en fait. Bon, ça me demande trop d'efforts, donc je me suis contenté d'en lire une traduction. Alors, on vient d'interdire les portables dans les écoles. Est-ce que ça vous semble une bonne idée? Non, ça me semble une très mauvaise idée. Mais pourtant, le portable, c'est un peu la caverne de Platon, c'est-à-dire que ce qu'on y voit semble plus réel que ce qui nous entoure. Et on peut s'y plonger sans jamais en sortir. Alors justement, le rôle des enseignants, c'est d'apprendre aux élèves à utiliser leur portable de manière à éviter cette utilisation du portable comme la caverne de Platon dans laquelle l'étudiant serait enfermé. Au contraire, l'enseignant doit expliquer, doit montrer, doit donner un exemple de la manière dont on peut utiliser un portable pour accéder à Wikipédia, pour chercher des connaissances, pour échanger des données avec ses camarades. Mais d'ailleurs, c'est pas que le portable hein, qui interdit, c'est quasiment tous les objets connectés à un réseau. Donc ça inclut aussi les tablettes, ça inclut aussi les ordinateurs portables, alors que les enseignants devraient au contraire inciter les élèves à apporter ces objets en classe pour, avec eux, leur montrer, et par leur exemple et également par un discours plus direct, comment les utiliser pour structurer leur pensée, pour accéder à des connaissances et pour échanger avec leurs camarades. Et alors apparemment, ce que prévoit la loi, c'est de ne pas le faire. Mais ce ne sont pas les enseignants à qui il faut jeter la pierre dans ce cas particulier, parce que on n'a rien demandé aux enseignants. C'est vraiment les députés. Dans un système démocratique dans lequel les pouvoirs sont séparés, ce sont les députés et les sénateurs qui votent la loi. C'est le législatif qui ici. Gilles Dovec, j'essaie de trouver une faille dans votre optimisme. J'y arrive pas. Donc je vous propose une pause musicale pour me donner le temps de réfléchir. C'est un peu difficile de parler après cette musique qui mélange les genres et que vous avez choisi. Oui, alors il faut d'abord dire que c'est deux morceaux différents que nous avons entendus, et c'est pas une unique pièce, mais c'est deux morceaux qui en fait sont deux moments dans l'histoire de la musique qui racontent un peu la même histoire. Et autant Pierre Schaeffer nous avait amené à réfléchir sur la notion d'instrument, sur la notion d'objet, sur la notion de machine, qui est une notion fondamentale de l'informatique, autant j'ai choisi ces deux morceaux parce qu'ils nous amènent à réfléchir sur une autre notion fondamentale de l'informatique, qui est la notion de langage, et en particulier de langage de programmation dont nous parlions tout à l'heure. Et quand nous enseignons la programmation, nous essayons toujours de trouver des antécédents au langage de programmation qui existait avant les ordinateurs, et la notation musicale, la manière dont nous écrivons les partitions, est un exemple de langage qui est assez proche finalement de ce que sont les langages de programmation aujourd'hui, puisque c'est à la fois des langages avec une grammaire très très très stricte mais très simple. Un champ lexical assez petit, disons il y a 60 000 mots dans le dictionnaire, mais il y a que 8 notes sur la portée, donc il n'y a pas un vocabulaire dans la notation musicale qui est aussi pléthorique que celui d'une langue. Et puis c'est aussi un langage qui permet d'écrire des textes, les partitions qui sont là pour être exécutés. Et donc le fait qu'on utilise le même verbe exécuter pour l'exécution, disons, d'une pièce de musique et pour l'exécution d'un programme rapproche ces deux notions. Et le premier morceau qu'on a entendu, qui est de la musique chorale du Moyen-Âge, en fait c'est un des plus vieux morceaux dont on est une trace, c'est-à-dire au XIIIe siècle, au XIIe et XIIIe siècle, les musiciens ont commencé à écrire la musique et finalement nous avons extrêmement peu d'informations sur ce qu'était la musique avant. Parce que nous ne savons pas vraiment, nous n'avons aucune trace de finalement des pièces qui étaient jouées avant. Et à partir du XIIIe siècle, parce qu'on a un langage, eh bien, on est capable de transmettre ces inventions, ces compositions, et on est capable aujourd'hui encore de les rejouer, de les rechanter. Puis l'autre pièce, c'est un petit peu le côté négatif de cette notion de partition. C'est une pièce de Gheorghe Ligeti qui n'est pas du tout, même si elle ressemble un peu parfois à ce que faisait Pierre Schaeffer, Ligeti ne s'intéresse pas dans cette pièce, en tout cas, au son de la nature. C'est vraiment des sons qui sont fabriqués par des instruments électroniques, donc qui se posent la question des instruments, mais pas d'aller vers la nature, vers les locomotives pour les enregistré. Mais en revanche, il comprend que la notation musicale ne lui suffit plus pour écrire les pièces qu'il veut jouer. Et donc Ligeti a inventé une nouvelle manière d'écrire la musique, donc un nouveau langage de partition qui est adapté à la musique qu'il souhaite composer. Donc on a ici au XIIe siècle et au XXe siècle deux grands moments de l'histoire de la notation musicale. Ah, c'est passionnant, bon, on a parlé, Gilles Deveigue, de la façon dont cette révolution informatique qui dure depuis longtemps continue de changer les emplois, l'économie, beaucoup d'aspects de nos vies. Mais je voulais vous interroger pour finir sur la science. On parle beaucoup de big data aujourd'hui. Et si on prend la physique dite moderne, celle qui commence avec Galilée approximativement, on est étonné de voir que les grandes lois physiques ont été découvertes quasiment sans données. Quand Galilée dit que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, on ne sait pas faire le vide, on ne sait pas mesurer la vitesse d'un corps qui tombe. Quand Einstein écrit sa théorie de la gravitation en 1915, on ne connaît pas grand-chose sur l'univers, on ne sait pas qu'il est en expansion, on ne connaît en guise d'objet céleste que les étoiles, les planètes, les météores et c'est tout. On ne sait pas d'où viennent les étoiles brillent, et néanmoins il a les bonnes équations qu'il a obtenues grâce à ce qu'on appelle des expériences de pensée qui lui ont permis de trouver les bonnes lois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que cette façon de procéder, de faire de la science est désuète par le fait que les données vont faire parler le réel beaucoup mieux que les lois physiques. Est-ce que vous pensez que la façon de faire de la science est en train de changer aussi radicalement que les aspects dont on a parlé jusqu'à maintenant ? Alors, je pense que certainement, la manière de faire de la science change. Et elle change sous l'impulsion de la transformation de la révolution informatique. Mais elle change d'une part du fait de la présence de données, mais aussi du fait de la présence de nouvelles manières de formuler les théories. Et un bon exemple de ça, c'est les célèbres modèles du climat, qui sont des théories au sens des théories de Galilée ou Newton ou de Maxwell. Mais au lieu de tenir sur une demi-ligne comme tenaient les équations de Newton ou une ligne comme tenaient les équations de Maxwell, ce sont des descriptions du réel qui prennent des millions de lignes de code. Et donc, ce qui pose des nouvelles questions sur la qualité d'une théorie, etc. Donc il y a plein de nouvelles questions qui sont posées par cette nouvelle manière d'écrire la science et de décrire les phénomènes dans un langage d'algorithme. Et donc ça, c'est les deux transformations. Il y a d'une part l'importance des données et d'autre part la transformation du langage dans lequel la science s'écrit. Mais est-ce que les relations de corrélation que les algorithmes permettent de voir dans les données ne vont pas remplacer les relations causales que les théories permettaient d'envisager ? Alors, c'est un risque. Moi, je crois que plutôt que de les remplacer, on va avoir une science plus diverse, avec certaines situations où nous savons exprimer une relation de causalité, et d'autres où nous allons peut-être nous contenter de relations de corrélation. Mais il y a une question éthique derrière. Par exemple, si on découvre aujourd'hui un nouveau médicament qui permet de soigner le choléra, la lèpre, mettez la maladie horrible que vous souhaitez, mais que nous ne comprenons pas la manière dont fonctionne ce médicament, est-ce que nous devons l'utiliser ? Est-ce que nous devons ne pas l'utiliser ? Et d'un certain point de vue, nous avons déjà des médicaments ou des traitements qui sont dans cette situation. Et la science poursuit différents buts. Il y a un but qui est de mieux comprendre le réel, qui est de comprendre le réel jusqu'à dans ces derniers retranchements. Et c'est un but qui est tout à fait louable. Mais il y a aussi un autre but qui est de soigner les gens, de résoudre des problèmes de société, de résoudre des problèmes économiques, etc. Enfin bon, de transformer de l'énergie en dégageant moins de dioxyde de carbone. Enfin, il y a plein d'objectifs concrets à la science, ou à la science et à la technique, disons, ou à l'interaction science-technique. Et c'est des objectifs qui sont pas méprisables. Il est pas méprisable de vouloir soigner un malade, par exemple. Et donc, si nous avons une corrélation et pas de causalité, dans le premier objectif, on peut dire, bon, on n'a rien compris. On a juste constaté une corrélation, mais ça nous apprend rien. Mais si on évalue la démarche scientifique à l'aune du deuxième objectif, on se dit, si on est capable de soigner des gens, c'est pas si mal. Donc je crois que les deux vont exister. Bien entendu, à chaque fois que nous avons une corrélation, nous pouvons chercher la causalité qui est derrière, mais ça, des fois ça prend du temps, puis des fois il n'y en a peut-être pas. Il y a une question vieille, de pourquoi est-ce que le monde est mathématique, mais il y a une question encore plus intrigante, c'est pourquoi est-ce que les équations mathématiques qui nous ont permis de décrire le monde jusqu'à aujourd'hui sont si petites et si simples à comprendre. Les équations de Newton, les équations de Maxwell. Simples à comprendre? Oui, les équations de Maxwell, c'est pas si compliqué, c'est simple à comprendre au sens où c'est petit, ça s'écrit avec peu de symboles. Et peut-être que le monde n'est pas si simple à comprendre, et peut-être que les objets dont nous avons besoin pour décrire le monde, les théories que nous allons écrire vont être extrêmement longues. Nous allons écrire des théories avec beaucoup, beaucoup de symboles. C'est un peu ce que nous faisons quand nous faisons des modèles. Et peut-être que le monde ne se laisse pas entièrement décrire par des petites équations. Bon, ça, c'est une vaste question, mais je voudrais qu'on termine, puisque le temps passe, Gilles Dovec, par la question que je vous ai posée tout en amont, qui est, est-ce que Homo sapiens devient Homo informaticus? La réponse me semble être oui. Et donc, je voudrais la compléter par une autre question. Est-ce que le genre Homo peut devenir informaticus et rester sapiens? Vous avez parlé d'éthique tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des endroits où vous voyez des questions éthiques assez graves se poser? Vous parlez de la voiture autonome, par exemple. Mais vous arrivez à conclure votre chronique sur la voiture autonome par un propos optimiste, à savoir qu'il y a un progrès moral dans le fait qu'on est obligé de coder le comportement d'un conducteur qui n'existe pas, en fait, dans des situations où, dans la vie courante, le conducteur fait un choix en fonction de ses réflexes, sans avoir réfléchi à la décision qu'il prend. Oui, donc d'abord, le titre générique des chroniques que je publie dans Pour la Science, ça s'appelle pas Homo Informaticus, ça s'appelle Homo Sapiens Informaticus. Et donc, en choisissant ce nom, j'avais voulu insister sur le côté sapiens, c'est-à-dire sur le fait que, comme dit Spider-Man, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Et donc, la révolution informatique nous pose, bien entendu, des questions éthiques et des totalement nouvelles, pour lesquelles nous devons complètement renouveler la pensée éthique aussi, et que c'est une part importante de la pensée que nous devons avoir, de la manière dont nous pensons la révolution informatique. Alors, pour revenir sur le cas de la voiture autonome, je me posais la question de savoir, quand nous programmons une voiture autonome, nous sommes obligés d'expliciter tous les choix que nous faisons. Alors que dans la vie, surtout dans les situations, certes très artificielles, mais qui peuvent se produire quand même en pratique, où nous avons la possibilité ou bien d'écraser une personne, ou bien de jeter la voiture dans le ravin, et on se pose la question, combien de personnes on écrase, combien de personnes dans la voiture, est-ce que le fait que les personnes dans la voiture soient les propriétaires de la voiture fait que l'algorithme doit être plus loyal à l'égard de ces personnes, etc. Bon, c'est des questions très complexes, et je voulais contraster ça avec le fait que quand malheureusement nous sommes pris dans un accident de voiture, eh bien nous avons en général quelques millièmes de seconde ou quelques dixièmes de seconde au maximum pour décider, et donc que nous ne pouvons pas activer toute cette réflexion éthique. Et donc que cette réflexion éthique, elle était perçue comme étant déconnectée de la réalité, et nous pouvions assez facilement dire ma réflexion éthique m'amène à penser ce qu'est une vie bonne, et puis finalement mes actions sont très en décalage par rapport à ma vision éthique, mais bon, j'y peux rien. Et maintenant que nous sommes amenés à programmer ces voitures, c'est-à-dire à essayer de prévoir ce que la voiture va faire dans une situation d'accident, mais 6 mois ou 10 ans avant que l'accident se produise, nous sommes obligés de mettre en accord nos comportements, qui vont être ceux de la voiture, et nos idées. Puisque quand nous écrivons le programme, nous ne pouvons pas dire, j'ai écrit le programme à la va-vite, et donc j'avais pas le temps de réfléchir. Non, nous avons tout le temps de réfléchir. Et c'est ça que vous appelez un programme moral. Je crois que c'est un programme moral. Vous êtes décidément un optimiste. Merci Gilles Dovec d'avoir participé à cette conversation scientifique, animée donc par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Claude Niort et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Honodibio pour le temps des écrivains.